Premier livre des Chroniques, chapitre 5. Or les enfants de Ruban, le premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais après qu'il eut souillé le lit de son père, son droit d'aînesse fut donné aux enfants de Joseph fils d'Israël, non cependant pour être mis le premier dans la généalogie selon le droit d'aînesse, car Juda fut le plus puissant entre ses frères, et de lui sont sortis les conducteurs, mais le droit d'aînesse fut donné à Joseph. Les enfants, dis-je, de Ruban premier-né d'Israël, furent, Hénoc, Palu, Hetsron, et Carmi. Les enfants de Joël furent Sémé à son fils, Go son fils, Simi son fils, Mic à son fils, Ré à son fils, Baal son fils, Béer à son fils, qui fut transporté par Tiglath-Pilétser roi des Assyriens, c'est lui qui était le principal chef des Rubénites. Et ses frères selon leur famille, quand ils furent mis dans la généalogie selon leur parentage, avaient pour chef Jiel, et Zécharia. Et Béla fils de Zaz, fils de Sama, fils de Joël, habitait depuis Aroé jusqu'à Noco et Baalméon. Ensuite il habita du côté de l'Orient jusqu'à l'entrée du désert, depuis le fleuve d'Euphrate, car son bétail s'était multiplié au pays de Galaa. Et du temps de Saül ils firent la guerre contre les Agaréniens, qui moururent par leurs mains, et ils habitèrent dans leurs tentes, en tout le pays qui regarde vers l'Orient de Galaa. Et les enfants de Ga habitèrent près d'eux, au pays de Bazan, jusqu'à Salca. Joël fut le premier chef, et Saphan le second après lui, puis Janaï, puis Saphan en Bazan. Et leurs frères selon la maison de leur père, furent Seth, Michael, Mesulam, Seba, Joraï, Jacan, Zia, et Ebé. Ceux-ci furent les enfants d'Abiaïl fils de Uri, fils de Jaroa, fils de Galaa, fils de Michael, fils de Jézizaï, fils de Jado, fils de Buz. Aï fils d'Adiel, fils de Guni, fut le chef de la maison de leur père. Et ils habitèrent en Galaa, et en Bazan, et dans les villes de son ressort, et dans tous les faubourgs de Saron, selon leurs limites. Tous ceux-ci furent mis dans la généalogie du temps de Jotam roi de Juda, et du temps de Jéroboam roi d'Israël. Il y eut des enfants de Ruban, et de ceux de Ga, et de la demi-tribu de Manassé, d'entre les vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc, et propres à la guerre, 44 760, marchant en bataille, qui firent la guerre contre les Agaréniens, contre Jétur, Naphi, et Nodab. Et ils furent aidés contre eux, de sorte que les Agaréniens, et tous ceux qui étaient avec eux, furent livrés entre leurs mains, parce qu'ils crièrent à Dieu quand ils combattaient, et il fut fléchi par leur prière, à cause qu'ils avaient mis leur espérance en lui. Ainsi ils prirent leur bétail, consistant en 50 000 chameaux, 250 000 brebis, 2 000 ânes, et 100 000 personnes. Et il en tomba mort un fort grand nombre, parce que la bataille venait de Dieu, et ils habitèrent là en leur place, jusqu'au temps qu'ils furent transportés. Les enfants de la demi-tribu de Manassé habitèrent aussi en ce pays-là, et s'étendirent depuis Bazan jusqu'à Baal-Hermon et à Sénir, qui est la montagne d'Hermon. Et ce sont ici les chefs de la maison de leur père, Éphé, Jizi, Eliel, Azriel, Jérémie, Odavia, et Jagdiel, hommes forts et vaillants, gens de réputation, et chefs de la maison de leur père. Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père, et paillardèrent après les dieux des peuples du pays, que l'Éternel avait détruit devant eux. Et le Dieu d'Israël émut l'esprit de Pul roi des Assyriens, et l'esprit de Tiglath-Pilézer roi des Assyriens, qui transporta les Rubénites, et les Gadites, et la demi-tribu de Manassé, et les emmena à Chalash, à Chabor, à Ara, et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour.